le renard prit au piège. « Ma sœur, disait un petit garçon à une jeune personne de 14 ans, vous savez que papa m'a donné un jardinet derrière la poulerie et qu'il l'a fait entourer d'un grillage. Pourriez-vous me dire pourquoi il me défend d'y entrer aujourd'hui ?»« Je l'ignore, répondit la jeune fille. Ce que je puis t'apprendre, c'est que les parents sont faits pour commander et non pour obéir. » « C'est vrai, riposta l'enfant, mais papa n'avait que faire de me donner un jardin s'il voulait m'en interdire l'entrée. » « Petit frère, nos parents n'ont pas de compte à nous rendre et nous devons leur obéir sans résistance. » Sur ces paroles, l'enfant quitta sa sœur et se rendit au jardin. Il n'avait pas l'intention d'enfreindre la défense qui lui était faite, quoique, en cette circonstance, l'obéissance lui coûta beaucoup. Il voulait simplement regarder son jardinet à distance. Il s'approcha et regarda par-dessus la clôture. Quel ne fut pas son effroi lorsqu'il vit un assez gros animal, la tête prise entre deux cercles de fer, et qui faisait de vains efforts pour se dégager. L'enfant courut avertir sa grande sœur. « Ah, mon frère ! » s'écria-t-elle en voyant ce spectacle. « Réjouis-toi de ton obéissance. Si tu avais méconnu les ordres de notre père, tu serais à cette heure enserré dans le piège où s'est pris ce méchant renard qui dévorait nos poules. » Le petit garçon comprit alors que l'obéissance est le premier devoir des enfants.